Bon ou mauvais? Un paysan avait un vieux cheval qui lui servait pour travailler au champ. Un jour, son cheval s'évada dans les montagnes. Quand les voisins entendirent la nouvelle, ils eurent pitié de lui. « Quelle calamité !» disait-il. Par contre, le paysan leur répondait « Pas nécessairement. » Une semaine après, le cheval revint des montagnes avec tout un troupeau de chevaux sauvages et cette fois-ci, les voisins le félicitèrent en disant « Quelle chance !» Mais le paysan leur dit « Pas nécessairement. » Plus tard, en essayant de dompter un des chevaux sauvages, le fils du paysan tomba du cheval et se cassa la jambe. Tous s'accordèrent pour dire que c'était à nouveau une calamité. Mais pas le paysan qui dit « Pas forcément. » Quelques semaines après, l'armée vint au village pour réquisitionner tous les jeunes hommes en bonne santé qui devaient partir se battre dans une guerre sanglante. Lorsque les soldats virent que le fils du paysan avait la jambe cassée, ils lui dirent qu'il pouvait rester. Tous furent contents que le paysan ait tellement de chance. Une bonne chose, une mauvaise chose ?